tu es belle dans ta robe bleue azur, tes petites jambes nues qui ont des gringoles égratignées, fleuries d'échymose, tremble et tangue sous ton petit corps. Toujours les plus beaux endroits que je connais.